الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. Continue la lecture et la traduction du livre مختصر فقه الأسماء الحسنى du Cheikh Abdul Razzaq Al-Abbad حفظه الله تعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله حفظه الله تعالى الصمد، le seul à être imploré. وقد ورد هذا الاسم في سورة الإخلاص ومعناه السيد العظيم الذي قد كمل في علمه وحكمته وحلمه وقدرته وعزته وعظمته وجميع صفاته، فهو واسع الصفات عظيمها الذي صمدت إليه جميع المخلوقات وقصدته كل الكائنات بأسرها في جميع شؤونها، فليس لها رب سواه، ولا مقصود غيره تقصده، ولا مقصود غيره تقصده، وتلجأ إليه في إصلاح أمورها الدينية وفي إصلاح أمورها الدنيوية، تفزع إليه عند النوائب والمزعجات، وتضرع إليه إذا أصابتها الشدائد والكربات، وتستغيث به إذا مستها المصاعب والمشقات، لأنها تعلم أن عنده حاجة أن عنده حاجاتها، ولديه تفريج كرباتها لكمال علمه وسعة رحمته ورأفته وإحسانه وعظيم قدرته وعزته وسلطانه. روى ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: الصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعالم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه، هذه صفته لا تنبغي إلا له. As-Samad, donc, le seul à être imploré. Et ce nom a été cité dans Sourate Al-Ikhlas. Qul huwa Allahu Ahad, Allahu As-Samad. Et sa signification est le maître absolu, As-Sayyidu Al-Azim, qui est parfait dans sa science, dans sa sagesse, dans sa douceur, dans sa capacité, dans sa puissance, dans sa grandeur et dans l'ensemble de ses attributs. Il est celui qui a les attributs les plus immenses, celui vers qui se dirige l'ensemble des créatures, celui que recherche l'ensemble des choses existantes, car ces choses n'ont d'autre seigneur que lui, et ne se dirigent que vers lui, dans les sujets de leur religion et dans les sujets de leur vie d'ici-bas. C'est vers lui qu'ils s'humilient et reviennent lorsqu'ils sont touchés par des malheurs ou des situations pénibles. C'est vers lui qu'ils se rabaissent lorsqu'ils sont touchés par des épreuves. C'est à lui qu'ils demandent le secours lorsqu'ils sont dans des situations extrêmes. Car ces créatures savent que c'est auprès de lui qu'il y a leurs besoins. Et c'est lui qui a la possibilité de les libérer de ces situations. Car il a une science parfaite, une miséricorde large, une parfaite compassion. Et c'est l'immense dans sa capacité, dans sa force. Et dans son pouvoir, subhanahu wa ta'ala. Al-Imam ibn Jarir, rahimahullah, al-Tabari, a dit dans son tafsir, il rapporte une parole de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qui dit, As-Samad, c'est le maître qui est parfait dans son pouvoir. Le noble qui est parfait dans sa noblesse, l'immense qui est parfait dans son immensité, le doux qui est parfait dans sa douceur, le riche qui est parfait dans sa richesse, le tout-puissant qui est parfait dans sa puissance, le tout-savant qui est parfait dans sa science, le tout-sage qui est parfait dans sa sagesse. Et c'est lui qui est parfait dans toutes les formes de noblesse et de contrôle. C'est Allah, exalté soit-il. Voici ses attributs qui ne peuvent appartenir qu'à lui seul. Al-Hadi, celui qui guide. وقد ذكر الله هذا الاسم في موضعين من القرآن وهما قوله تعالى وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم وقوله وكفى بربك هاديا ونصيرا والهادي هو الذي يهدي عباده ويرشدهم ويدلهم إلى ما فيه سعادتهم في دنياهم وأخراهم وهو الذي بهدايته اهتدى أهل ولايته إلى طاعته ورضاه وهو الذي بهدايته اهتدى الحيوان لما اهتدى الحيوان لما يصلحه واتقى ما يضره فالله هو الذي خلق المخلوقات وهداها الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى فهداها الهداية العامة لمصالحها وجعل لها مهيئة لما خلقت له وهدى هداية البيان فأنزل الكتب وأرسل الرسل وشرع الشرائع والأحكام والحلال والحرام وبين أصول الدين وفروعه وهدى وبين الصراط المستقيم الموصل إلى رضوانه وثوابه ووضح الطرق الأخرى ليحذرها العباد وهدى عباده المؤمنين هداية التوفيق للإيمان والطاعة وهداهم إلى منازلهم في الجنة كما هداهم في الدنيا إلى سلوك أسبابها وطرقها فاسمه الهادي متناول جميع أنواع الهداية. الهادي celui qui guide. Allah عز وجل a cité ce nom dans deux endroits du Coran qui sont la parole d'Allah عز وجل وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Allah guide certes vers le droit chemin ceux qui croient. Et dans la parole d'Allah Azza wa Jal, وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. Mais ton Seigneur suffit comme guide et comme soutien. Al-Hadi, c'est celui qui guide ses serviteurs et les dirige vers ce qu'il y a, vers ce qui contient leur bonheur dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et c'est lui qui, par sa guidée, a guidé ses alliés vers son obéissance et son agrément. Et c'est lui qui, par sa guidée, a guidé l'animal vers ce qui est profitable pour lui et qu'il fasse attention à ce qui est néfaste pour lui. Allah Azza wa Jal est celui qui a créé ces créatures et qui les a guidées. Comme il le dit subhanahu wa ta'ala dans surat al-A'la, celui qui a créé et agencé harmonieusement, qui a décrété et guidé. Ainsi Allah Azza wa Jal a guidé ces créatures d'une guidée globale vers ce qui leur est profitable. Et a fait en sorte que elles soient, que ces créatures soient adaptées à ce pourquoi elles ont été créées. Allah Azza wa Jal a aussi guidé ces créatures en montrant, en expliquant. Il a ainsi descendu les livres, envoyé les prophètes, légiféré les lois, le halal et le haram. Il a explicité les bases de la religion ainsi que les branches. Il a montré le droit chemin qui mène à sa satisfaction et à sa récompense. il a montré clairement les autres voies afin que les serviteurs y prennent garde. Il a guidé ses serviteurs, l'a guidé des cœurs vers la foi et l'obéissance. Et il les a guidés et les a amenés vers les hauts degrés du paradis, comme il les a guidés dans cette vie d'ici-bas à emprunter le chemin qui amène à ce paradis. فاسمه الهادي متناول جميع أنواع الهداية. Ainsi, le nom d'Allah, الهادي, englobe l'ensemble des formes de guider. ثم قال المؤلف حفظه الله الوهاب, le grand donateur. وهو اسم تكرر في القرآن في ثلاثة مواضع. قال الله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقال تعالى أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. وقال تعالى في ذكر دعاء نبي الله سليمان عليه السلام قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. والوهاب هو كثير الهبة والمنة والعطية وفعال في كلام العرب للمبالغة. فالله جل وعلا وهاب, يهب لعباده من فضله العظيم ويوالي عليهم النعم ويوسع لهم في العطاء ويجزل لهم في النوال. فجاءت الصفة على فعال لكثرة ذلك وتواليه وتنوعه وسعته. وهو سبحانه بيده خزائن كل شيء وملكوت السماء والأرض ومقاليد الأمور, يتصرف في ملكه كيف شاء. وقد ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم أنواعا من هباته وذكر توجه أنبيائه والصالحين من عباده إليه في طلبها ونيلها. وهذه الهبات المتنوعة بيده سبحانه, فهو المالك لهذا الكون المتصرف فيه سبحانه كما شاء. قال تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فاللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. الوهاب, le grand donateur, c'est un nom qui a été cité à trois reprises dans le Coran. Dans Surat Al-Imran, où Allah Azza wa Jalla dit selon le sens, ô notre Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés et accorde-nous ta miséricorde, c'est toi le grand donateur. Et la parole d'Allah Azza wa Jalla, ou bien détiennent-ils les trésors de la miséricorde de ton Seigneur, le Tout-Puissant, le Grand Donateur? Et la troisième parole, lorsqu'Allah Azza wa Jal a cité l'invocation de son prophète Sulaiman alayhi salam, lorsqu'il a dit, il dit, Seigneur, pardonne-moi et fais-moi don d'un royaume tel que nul après moi n'aura de pareil. C'est toi le grand donateur. Al-Wahhab, celui qui donne beaucoup, celui qui accorde beaucoup de bienfaits. Et Fa'al, dans la langue arabe, utilisé pour montrer, pour appuyer une chose, pour montrer qu'elle est faite en grande quantité. Pour cela qu'Al-Wahhab, il a le wazn de Fa'al. Allah Azza wa Jal est le Wahhab. Il donne à ses serviteurs ses faveurs et fait succéder à ses serviteurs ses bienfaits. Allah Azza wa Jal élargit pour eux la donation et multiplie pour eux ses grâces et ses faveurs. Ainsi, hamdoukallah. Ainsi, Al-Wahhab est venu بوزن فعال pour montrer la grande quantité de dons d'Allah Azzawajal, des dons qui se succèdent, qui sont diverses et qui sont étendues. Et Allah subhanahu wa ta'ala possède le trésor de toutes choses. Il possède le royaume des cieux et de la terre qu'il utilise à sa guise, subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azzawajal dans le Coran a cité différentes formes de dons et a cité que ses prophètes ainsi que les vertueux parmi ses serviteurs lui demandent ses faveurs et espèrent l'obtenir. Et ces nombreux dons et diverses dons sont possédé par Allah subhanahu wa ta'ala, comme il le dit Azza wa Jal dans surat Ash-Shura, où Allah Azza wa Jal dit son le sens: à Allah appartient la royauté des cieux et de la terre, il crée ce qu'il veut, yakhluqu ma yasha, fait don de filles à qui il veut et don de garçons à qui il veut, ou bien il donne à la fois garçon et fille, et il rend stérile qui il veut. Il est certes l'omniscient et l'omnipotent. فَاللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ شُكْرًا وَلَكَ الْمَنُّ فَضْلًا. Et le Cheikh loue Allah subhanahu wa ta'ala de par tous les bienfaits et toutes les grâces dont il nous comble. وَنَكْتَفِي بِهَذَا الْقَدْرِ.